Voilà, c'est l'intempestive. Et dans l'intempestive d'aujourd'hui, on poursuit la très récente série Phonographie qui s'intéresse aux usages politiques et sociaux du son. On est allé avec Guillaume Yeom à la rencontre d'Arlette Farge, une historienne qui s'est intéressée aux voix du peuple au XVIIIe siècle et plus particulièrement aux voix dans la rue. Et pour y faire écho, vous entendrez de ci de là dans l'émission des extraits de deux projets de radio Aporé qui établit une cartographie collective et sonore du monde sur aporé.org. D'une part, le projet d'Arquibuse, qui est allé enregistrer l'errance, les blackboulés de la société, les marginaux, les soi-disant fous et autres chevaux de génie. Et d'autre part, le projet de Joan Gren, qui est allé à la rencontre des vendeurs de rue et des réfugiés à Damas. Donc on est avec Arlette Farge, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et on est ici aujourd'hui parce que vous avez fait paraître, il y a déjà quelques années, il me semble, un essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, qui est le siècle sur lequel vous êtes spécialisée. Et on va parler un petit peu de ça. Peut-être vous voulez vous présenter un petit peu mieux que je ne l'ai fait, et développer un petit peu sur qui vous êtes. Oui, mais je suis chercheur en histoire du XVIIIe siècle, effectivement, au CNRS. Voilà, et c'est vrai que je me suis toujours préoccupée du... Enfin, je suis spécialiste du XVIIIe siècle, comme vous voulez le dire, mais surtout des comportements populaires. Et c'est vrai que mon travail repose toujours sur un socle similaire, c'est-à-dire les archives de police du XVIIIe siècle, et dans lequel, à partir de là, c'est vrai que j'ai pu inventorier beaucoup de sujets... parce que ce sont des archives pléthoriques, d'une part, énormes, conservées aux archives nationales, et qu'en plus, elles permettent de découvrir ce que les gens pauvres, entre guillemets pauvres, enfin, ce que les gens peu lettrés ou qui ne savent pas écrire sont là, présents, parce qu'ils ont eu un problème avec la police. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est vrai, je travaille depuis vraiment longtemps maintenant, à partir souvent d'une même source, mais je veux dire, une source qui est tellement, tellement énorme qu'on y peut y trouver énormément de choses. Donc j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des relations entre les sexes, sur les enfants, sur l'opinion publique. Et puis, l'avant-dernier livre, là, qui date de 2009, j'ai fait cet essai sur les voix parce que... Les archives de police, elles sont d'une part très visuelles, c'est-à-dire on décrit beaucoup les personnages, les gens, les attitudes. Et puis aussi, on y entend beaucoup de choses et ça m'avait beaucoup frappé. Et j'avais eu envie de faire cet essai. Vous parlez d'essai justement et pas d'une histoire des voix, c'est aussi un parti pris déjà. C'est un parti pris parce que j'estimais que faire une histoire des voix, fallait vraiment être d'une... Il aurait fallu être, je ne sais pas, d'un orgueil démesuré, parce que ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, ne s'est jamais fait en histoire. Et donc, je ne peux pas prétendre avoir fait une histoire des voix au XVIIIe siècle. Et donc, c'est finalement une espèce de recherche, mais ça ne peut pas être exhaustif. Et j'avais aussi envie que ça donne, que d'autres puissent travailler à partir de là, parce que même quand on a, bon, forcément, au XVIIIe siècle, on n'a aucun enregistrement, mais après, pour ceux qui travaillent sur le 19e ou le 20e, ça peut être très très intéressant d'avoir une histoire même politique, des voix des représentants politiques, etc. Ça pourrait être très très intéressant. Et donc, bon, c'est vrai que l'éditeur aurait préféré que je mette une histoire des voix parce que ça fait toujours très bien. Mais bon, moi je considère que voilà, faut y aller. Bon, je crois qu'il faut rester très, très modeste quand on lance des sujets un peu complexes comme ça. Et qu'on est, en fait, moi j'avais l'impression d'être sur que j'avais pas de base, si vous voulez. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous partez sur un sujet, je sais pas si vous faites les relations entre les sexes, vous avez déjà toute une bibliographie. Et là, j'avais pas d'appui, enfin très peu. Un ou deux livres, ou un peu de philo, un peu de... mais j'avais aucun appui de bibliographie historienne. Donc, je ne vais pas me permettre d'écrire une histoire des voix, voilà. Et justement, comment est-ce qu'on travaille pour faire, pour étudier ce qui, par essence, est fuyant, qui disparaît dès qu'il est prononcé, qui est le son, quoi, qui est quelque chose... Quand il n'est pas, quand il n'y a pas de processus d'enregistrement comme on est en train de faire ici, c'est le son, il disparaît aussitôt qu'il est émis. Alors bien sûr, c'est complètement éphémère, mais si vous voulez, je suis partie de l'idée qui est, je crois, très forte et très vraie, en tout cas au XVIIIe siècle, c'est que la société populaire est une société orale. Elle n'arrive pas, enfin, elle n'est pas encore suffisamment instruite pour s'exprimer par écrit, ni pour recevoir vraiment l'écrit. Donc, c'est une société qui s'exprime entièrement par la voix, par l'oral, par les gestes aussi, par le corps. Et donc, comme je m'intéresse aussi beaucoup de travailler sur le corps à cette époque, j'avais pu remarquer beaucoup dans les archives à quel point la parole et la voix, d'ailleurs, voix-parole sont deux choses différentes, mais la parole et la voix étaient en fait le moyen par lesquels cette population s'adresse les uns aux autres d'une part, mais aussi fait des contrats d'embauche ou organise sa vie autour de la parole et non pas comme nous autour d'écrit. Donc, par exemple, un contrat d'embauche se fait par le geste de paume de la main qui se rencontre et d'une parole donnée. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples comme ça. Alors, effectivement, le son est éphémère, mais en même temps, il est constamment là, il est constamment présent. Et on l'aperçoit pas, on voit pas un son, mais on l'entend constamment. Et c'est ce qui m'a donné envie de travailler là-dessus. C'était pour aussi pour comment dire, pour montrer que les sociétés qui ne disposent pas encore de l'écrit ni de la lecture ont des moyens très très élaborés de s'entendre par la voix, par la parole, d'instrumentaliser aussi ces voix, de les vivre aussi collectivement s'ils veulent défendre des revendications ou non, et puis que c'est le véhicule de leur pensée et que c'est pas des cris animaux comme on le dit souvent dans les textes érudits du XVIIIe siècle. Mais du coup, ça fait une population très bruyante et c'était ça aussi qui m'avait attirée sur la voix, c'était d'entendre, de lire constamment que voilà, le peuple de Paris était très bruyant, cacophonique, qu'il était guttural, animal, etc. J'étais plutôt intriguée par cette façon de parler du peuple, c'est-à-dire de parler des sons qui auraient été des borborim en un sens. Et j'ai voulu voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très frappant à la lecture de votre livre, en fait, où moi ça m'a beaucoup surprise, c'est que vous décrivez un XVIIIe siècle très bruyant, avec une présence de la rue permanente, et puis une présence aussi du bruit des autres à l'intérieur des lieux de vie, puis à l'extérieur des lieux de vie, avec une, vous parlez d'une porosité sociale dans le quotidien, alors qu'aujourd'hui on est dans une époque très soucieuse de légiférer sur le bruit, qui s'empresse d'aller se plaindre des bruits de voisinage, et où il y a une intolérance en réalité beaucoup plus forte au bruit des autres. Est-ce que vous pouvez parler de ça et puis parler concrètement, donner à entendre de qu'est-ce que le bruit dans la rue au XVIIIe siècle. Comment sonne la rue au XVIIIe siècle à Paris? Alors, D'habitude, on dit, et c'est vrai aussi, que la rue, elle est rythmée par quantité de sons qui sont des sons d'ordre musical. C'est-à-dire qu'il y a déjà les bruits des cloches qui sont très, très importants. Il y a les bruits de ceux qui crient les ordonnances royales parce qu'ils les crient oralement, puisque les gens ne peuvent pas les lire sur des affiches. C'est rythmé par des bruits qui sont des bruits soit de l'église, soit des institutions politiques, qui sont des sons tout à fait reconnaissables et tout à fait particuliers. Mais il n'y a pas que ça, il y a donc ces bruits-là qui avaient déjà été étudiés par certains historiens sur les cloches. Je crois qu'Alain Corbin avait fait un travail. Et puis c'est un thème qui est assez fort, les bruits de la rue, parce qu'on connaît en effet les cris de la rue, mais je crois que ça va bien au-delà. Là, et que ça représente aussi un mode d'existence tout à fait particulier, et que par exemple la présence constante des marchands ambulants dans la rue est tout à fait particulière, parce qu'ils ont pour se faire reconnaître, justement, quand ils crient dans la rue, ils crient en nommant leur marchandise, et tous ont choisi un mode mélodique particulier pour que ce ne soit pas atone et que ça ne ressemble pas au bruit des autres. Donc le poissonnier va avoir un ton particulier par rapport aux marchands, je ne sais pas, de colifichets ou de ce qu'on appelle les oublis, c'est-à-dire des petits gâteaux secs, etc. Donc chacun va avoir des sons particuliers et des mélodies particulières en les essayant de les mélodier de la façon la plus haute et la plus perçante pour que ça puisse atteindre les étages. C'est vraiment d'ailleurs un exemple que j'aime souvent donner, c'est que c'est quelque chose que les domestiques de grandes maisons entendent très bien, et qui vont à la fenêtre et qui repèrent, ils entendent que voilà, le poissonnier arrive par sa mélodie particulière, et ils traduisent à leur maîtresse qui, elle, n'entend qu'une cacophonie dans la rue, c'est-à-dire les aristocrates, les grands, les élites, les notables, les médecins, les juristes et tout ça, ils n'entendent qu'un bruit commun. Et alors que les gens du peuple ont une reconnaissance aiguë de chaque son qui leur dit quelque chose sur ce qui se passe dans la rue et sur ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais il n'y a pas... Bon, ça, c'est des cris d'ordre... Les marchands ambulants, ça représente beaucoup une présence très, très grande dans la rue, ce qui fait que c'est vrai que c'est très bruyant et que les voyageurs qui arrivent de Londres ou qui arrivent d'Italie, ils sont, quand ils arrivent sur les collines de Saint-Cloud, ils sont absolument affolés. Certains même racontent qu'ils rebroussent chemin de ce bruit qui doit être, enfin, d'après les textes, je pense, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas une clameur, mais qui est une espèce de brouillon pour des brouillons de son pour des oreilles pas aiguisées, alors que la population s'y retrouve constamment dedans. Par contre, il ne faut pas quand même croire, puisque vous parliez des nuisances actuelles sur le bruit, qu'ils aiment toujours ça. C'est-à-dire que dans cette porosité dans laquelle ils habitent, en effet, cette promiscuité aussi, puisque les appartements donnent les uns sur les autres, l'essentiel de la vie se passe dans la rue, la notion d'intimité n'existe pas, donc les cris, les paroles, le badinage, tout se fait sous le regard des autres, et avec du bruit, des chants, des chansons, de la musique, des tambours. Il y a en même temps beaucoup de querelles à propos de ça. Ce n'est pas non plus une population qui accepte complètement et qui d'ailleurs à la fin du 18e va... saturer énormément, parce qu'il va déjà se passer quelque chose d'une montée de l'individu et d'une perte, d'une perte de peut-être d'une communion collective, entre parenthèses. Et donc, ils sont déjà sensibles à certaines nuisances du bruit. Mais en tout cas, ils en savent repérer absolument tous les accents, d'autant que, pour terminer le paysage sonore, enfin, entre autres, il faut dire que les gens viennent en général de toutes les provinces et qu'ils parlent tous les patois. Et que ça, effectivement, c'est... Donc il y a même des en justice des traducteurs, des interprètes, et donc il y a une infinité d'accents, et que c'est vraiment extrêmement difficile, effectivement. Elle parlait auvergnat, jurassien, etc., etc. Et on sent que vous prenez un vrai plaisir, en fait, à travers le livre, à décrire toutes ces voix, à décrire tous ces sons. Et vous utilisez des mots qu'on n'utilise quasiment plus aujourd'hui. Et rien qu'en fait de les dire, peut-être la perte de ces mots, de leur usage aujourd'hui, signe de manière particulièrement forte la perte justement d'un paysage sonore. Vous parlez de charivari, de bacchanal, de gageur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, ce sont les mots de l'époque, à vrai dire. Ce sont en fait des moments particuliers de cette société. Par exemple, le charivari, c'est le bruit vraiment très fort, à la fois fait de cris et de sons, d'outils frappés les uns contre les autres, qui adviennent lorsque un mariage est considéré comme anormal ou peu naturel. C'est-à-dire, un charivari, ça veut dire, par exemple, une vieille femme qui épouse un jeune homme, ou l'inverse, donc une différence d'âge ou une différence de statut social, ou quelque chose considéré comme un mariage contre nature, donc qui se développe autour de le jour du mariage, autour des mariés, ce qu'on appelle un charivari, c'est-à-dire un boucan d'ailleurs, qui est une expression qui n'est plus tellement non plus... qui n'existe plus maintenant, mais qui, par le bruit, veut montrer la réprobation sociale. Le bacchanal, alors, c'est plus drôle. Enfin, je veux dire, c'est plus drôle. Le bacchanal, c'est une façon... c'est au cabaret, et à la sortie du cabaret, ce sont les chahuts des jeunes qui sont très souvent en association de jeunes, qui sont très souvent en groupe, très, très fort, en bande déjà très, très constituée, et qui font ce qu'ils appellent bacchanal, c'est-à-dire un chahut pas possible, qui peut être fait aussi bien de cris, d'injures aussi. C'est pas toujours très paisible. Hein. C'est quand même une société qui est à la fois qui est à vif, hein, qui est conflictuelle et qui est à fleur de peau ou à fleur de voix. Et donc, le bacchanal, ça se termine quand même en général... ça se termine en général mal. C'est un éternuement de chat. Oui. C'est un phénomène très spécial que vous avez peut-être entendu, qui vaut le coup d'être, d'être signalé. Donc on en était au bacchanal. Oui, donc voilà, donc le bacchanal, ça se termine plutôt toujours mal quand même, parce qu'il y a des blessés, etc. Mais ce sont des rixes, essentiellement des rixes de jeunes à la sortie des camarades. Et justement, la manière dont, je crois que vous en parlez dans un autre article autour de cette thématique, il y a aussi le bruit de la rue, le son de la rue, c'est aussi beaucoup le son qui est lié à une prise de pouvoir politique ou à une prise de parole politique collective. Et vous parlez du corps comme étant, à l'époque, le seul média qui peut exister et qui est celui par lequel on va à la fois s'informer et informer les autres. Et vous accordez une grande part en fait de votre essai à l'émeute, à la présence de l'émeute et à son développement, à son surgissement à de multiples occasions. Oui. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, je crois, c'est que d'une part, la vie politique elle-même, c'est-à-dire la monarchie, elle va s'exercer sur le peuple à coup de voix, effectivement. Je parlais tout à l'heure des ordonnances royales qui étaient très à la fois cérémoniales, mais en même temps, ce sont des jurés crieurs, comme on les appelle. Ils s'appellent des crieurs, donc c'est leur métier. Ils crient les ordonnances et les ordres du roi. Ils sont accompagnée de trompettistes qui ont trois sons seulement, qui sont bien particuliers. Donc, quand on entend ces trois sons, on sait que le roi va énoncer quelque chose. Et c'est donc voilà la parole officielle qui est là et qui peut donner l'occasion d'une réponse par les voix et par les cris qui lui sont accordés, en fait. Et il y a même dans ce métier de juré-crieur des gens qui vont abandonner le métier tellement c'est pas toujours drôle pour eux d'annoncer des ordonnances qui vont être très très mal prises par l'opinion publique et qui va répondre elle-même par ses cris et par ses voix. Et en plus, quand il y a alors véritablement quand il y a des grèves ouvrières, les appels se font par les voix des compagnons qui courent dans toutes les rues pour appeler justement les gens qui sont dans les immeubles avec des sons tout à fait particuliers et des termes particuliers. En fait, c'est assez bizarre parce que ça veut rien dire, mais c'est wet, wet, H-O-U-T, H-O-U-T. C'est une espèce la annonce qu'il va se passer quelque chose, qu'il faut descendre parce que soit il y a une grève, soit il y a quelque chose, on veut ameuter en fait le public. Et puis les émeutes, bien sûr, elles sont ponctuées en fait, c'est très curieux parce que c'est le grondement qui commence et à ce moment-là, les gens s'appellent par un seul bref, une brève petite phrase qui est voilà la révolte, et quand on entend voilà la révolte, tout le monde range ses paniers, etc., et part, soit ne va pas à l'émeute, soit au contraire fait grossir l'émeute. Et donc effectivement, en plus le corps, c'est vrai, enfin ça c'était, j'avais fait ça dans un autre livre, le corps est politique au sens que il n'a pas d'intermédiaire. Il n'a pas d'intermédiaire entre lui et la monarchie, c'est-à-dire les élites, elles ont des maisons, des carrosses, des domestiques, etc. Et elles sont tout un environnement qui les protège ou tout du moins qui fait une médiation entre la rue et puis l'ordre public, tandis que bon, les gens du peuple, ils sont, j'allais dire, ils n'ont que leur corps à avec lequel protester ou vivre. Et donc, l'hypothèse que j'ai... Enfin, c'est pas une hypothèse, c'est l'envie que j'avais de dire, c'est que j'avais envie d'énoncer, c'est que le corps est lui-même politique, parce que il s'ébranle de tous ses membres, de toutes ses forces, de toute son énergie vitale. Et en plus, c'est quand même des gens qui sont souvent accidentés, malades, etc., parce que pauvres. Ils s'ébranlent de toute leur énergie vitale pour faire le maximum de résistance, mais qui est une résistance physique face à l'ordre public. Donc, effectivement, il n'y a aucun rapport entre un parlementaire, voilà, ou même une élite qui serait moyenne, et les gens, les marchands ambulants, les gagne-deniers, ce qu'on appelle les gagne-deniers, qui sont des petits commissionnaires, etc., tous les ouvriers, qui eux, n'ont comme façon de résister ou d'interpeller la monarchie que leur camp. Die Osthonne muss aufgebaut werden. Merkel, die Uckermark. Scheiß Osthonne. Wie macht sie? Eine Scheiße. Ist die breit? Stehen wir breit und Beinen rum. Wer bist du denn? Fuck your brain. Fuck your brain. This is the American sector of West Berlin. Verstehe ich nicht. Sometimes I manchmal spreche English. Manchmal spreche ich Englisch. Ja. Ich bin kein Scheißdeutscher. Ich bin kein Scheißdeutscher. Obwohl ich spreche. Ich wohne seit 40 Jahren hier. 40 Jahre 40. Comprenez. Et justement, le pouvoir, alors que, ou les élites, alors qu'elles sont, enfin, elles perçoivent les sons de la rue comme une sorte de brouhaha, elles sont particulièrement attentives justement à ces formes de prise de parole lors d'émeutes ou de mécontentement, et surveillent particulièrement et ont une attention très grande à suivre et à essayer de. D'enregistrer ce qui se dit dans les rues à ce moment-là. Non ? Oui, je crois que c'est là vous touchez une des grandes contradictions du siècle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de schéma très particulier qui est qu'on va être extrêmement attentif à ce qui se passe dans la rue parce que c'est source de tous les dangers, c'est vraiment... on tâte le pouls, je dois dire, de la rue toutes les semaines. Hein. Le lieutenant général de police va voir le roi, il lui raconte tout ce qui se passe dans la rue. Il appelle d'ailleurs les gens du peuple les grenouilles. Il vient dire au roi comment on coassait les grenouilles cette semaine, ce qui veut bien dire quelque chose. Bon. Et en même temps, Et c'est donc très très c'est ce paradoxe et je trouve assez passionnant, c'est qu'à la fois ils disent toujours les mêmes peuvent écrire que voilà c'est un peuple insensé, inepte, qui ne comprend pas, qui ne pense pas, etc. Et en même temps ils sont à l'affût de tout ce qui se passe, donc cette contradiction qu'ils ne résolvent pas ou dont ils ne sont peut-être à laquelle ils ne sont sans doute pas sensibles. Et pour moi, un vrai point d'appui dans les recherches, parce que c'est un espèce de point aveugle totalement étonnant quand même de cette façon de non pas d'être proche, mais d'être attentif à un point inouï. C'est pour ça que ces archives de police sont si riches, c'est qu'ils sont capables de les décrire de façon extraordinairement minutieuse. Et en même temps, j'allais dire, ils ne les entendent pas comme vraiment, ils ne les comprennent pas, si ce n'est qu'ils en mesurent par la tonalité quand même, ou par l'ampleur de la tonalité, ils en mesurent le danger. Et ce paradoxe-là, là, je pense que c'est... Enfin, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un pouvoir... Ben, je ne sais pas, qui est entre la lucidité et l'aveuglement. Mais tout ce qui vient des classes populaires fait partie de quelque chose qui quand même ressemble à l'animal. C'est quelque chose... D'ailleurs, ils disent toujours, ça devient dangereux, dit le lieutenant général de police, parce que cette foule, elle devient à la fois animale et femelle. Et ça, quand ils ont dit ça, il faut vraiment faire quelque chose. Donc... Il y a les deux, il y a une sexuation d'ailleurs, vraiment des cris, et notamment après on pourra en parler, des cris des femmes dans les émeutes, mais de toute façon la foule elle est femelle. Donc, Cette attention particulière, on pourrait dire que c'est propre au XVIIIe siècle, ou au moins que entre il y a une sorte de basculement peut-être qui s'effectue entre l'autorité du roi, des institutions royales, et l'attachement et le respect que pouvait avoir le peuple envers leur souverain. Moi, j'aurais tendance à dire, évidemment, je connais moins les autres périodes, mais j'aurais tendance à dire qu'au XVIIe siècle, enfin, surtout la fin du règne de Louis XIV, c'est quand même une société qui est vraiment un peu sous une chape de plomb, quand même, qui est très tenue, surtout à la fin de son règne. C'est une monarchie absolue qui devient dévote et complexe à la fin de la vie de Louis XIV, et puis qui est quand même, faut pas oublier aussi qu'on a la grande famine, mais vraiment la dernière, une des dernières famines de 1709, du début du 18e, qui a fait des centaines de milliers de morts en France. Et donc, effectivement, après la Régence, justement, il y a une sorte d'explosion, je crois, une véritable explosion, aussi bien dans le monde aristocratique, libertin, libertinage, bon, ça c'est un autre sujet, mais que dans la population, parce qu'il y a une sorte de libération des corps, j'ai bien ça entre guillemets, qui fait qu'il y a un sensualisme et une sensualité beaucoup plus grande. Et c'est sûr que, pas sous la Régence, mais à partir du règne de Louis XV, il y a effectivement une espèce de... pas d'affrontement permanent, ce serait beaucoup trop... ce serait simplifier beaucoup les choses, mais il y a une sorte de... voilà, de rapport plus frontal, j'allais dire, entre la population et son... Alors, je ne sais pas si c'est un basculement, hein, mais c'est vrai qu'après, le 19e retombera dans une sorte de... Bon, d'abord architecturalement, parce qu'on va changer l'architecture des villes, etc., l'hygiénisation, la docilisation des corps, enfin, des choses qu'on connaît d'une part par Foucault, d'autre part par... par Georges Vigarello, mais le 18e a quelque chose, c'est pour ça que je l'aime bien, d'à la fois pathétique, je crois, dans les classes populaires, et en même temps qui est rempli d'un enthousiasme et d'une ferveur que je sais pas, j'ai pas rencontré dans les autres siècles, mais que j'ai moins travaillé en même temps. Et vous dites à un moment que le roi ne peut jamais savoir à quoi s'attendre quand il traverse Paris, parce que les émeutes peuvent démarrer très rapidement et vous parlez de l'identification immédiate des gens du peuple à l'arrestation de l'un d'eux, ou vous parlez de l'arrestation d'un mendiant qui génère une émeute, ce qui serait assez extraordinaire si l'arrestation d'un SDF aujourd'hui pouvait générer un semblant de réaction collective. Vous parlez aussi d'une autre émeute qui a eu lieu en 1750, parce que la police arrêtait les enfants dits polissons. Oui, alors ça c'est effectivement, c'est 1750, c'est une émeute qui est très, très peu connue, qui effectivement a amené une émotion collective très grande, parce que vraiment s'attaquer aux enfants, c'était insupportable pour le monde artisan. Et c'était des enfants d'artisans qui jouaient dans la rue et qui, paraît-il, perturbaient le repos public. Donc il y avait déjà... et l'ordre public. Et les stipendiers, comme on dit, de la police, enfin, c'est-à-dire des policiers déguisés, d'ailleurs, se promènent dans des carrosses et vont rafler, en fait, des enfants et les mettre en prison, ce qui occasionne immédiatement une réaction collective très très grande, d'autant que ce qui se passe dans Paris, c'est que tout se sait tout de suite et très vite, parce que il y a un bouche à oreille, puisque tout le monde est là et tout le monde est présent, c'est-à-dire tout se sait dans l'heure qui suit. Tout Paris était évidemment aux portes des prisons, mais ça se fait aussi par l'intermédiaire des enfants, qui sont des véritables messagers, un peu ceux qui n'étaient pas arrêtés ou qui ont assisté aux arrestations. Bon, ils finissent chez eux, ils ameutent tout le monde, et bon, ça a été une réaction extrêmement forte. Donc ça, c'est intéressant, au sens où il y a une, comment dire, l'information, elle est... Bon, il n'y a pas de journaux, de toute façon, ils ne pourraient pas les lire. Il y a des affiches, des placards, mais il y a une organisation de la population qui est très bien. Il y a toujours quelqu'un qui sait quand même lire et qui prend une échelle, parce qu'elles sont en général en hauteur, qui lit aux autres attroupés autour de lui quelle est la disposition qui a été prise par la police à ce moment-là. Et il y a des réactions vraiment, vraiment immédiates et très rapides, donc des modes de communication qui sont... Forcément, ce n'est pas des SMS, mais c'est quelque chose d'extrêmement rapide et de chair à chair, enfin, de corps à corps, en somme. C'est vraiment, je pense vraiment, une société, même à la campagne aussi, du corps à corps, aussi bien dans la façon de voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence dans les relations hommes-femmes, dans l'ensemble ce sont les corps qui réagissent immédiatement, et pour le meilleur et pour le pire. Les archives de police que vous citez, qui évoquent ces émeutes, ont une sorte de fascination, enfin, évoquent très, très souvent les voix des femmes et se focalisent beaucoup sur les voix des femmes. Et vous expliquez un peu le rôle justement des femmes dans l'émeute. Enfin, il y a à la fois justement ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de vouloir déprécier la voix du peuple en lui attribuant des attributs féminins qui sont censés être négatifs, mais il y a aussi en fait en réalité un rôle particulier des femmes dans l'émeute. Oui, il y a un rôle particulier des femmes dans l'émeute parce que en général, avec le consentement de tout le monde, elles sont à l'avant avec les enfants parce qu'on pense qu'elles ne seront pas punies. C'est vrai qu'il y a un respect de la monarchie, surtout à cette époque de démographie descendante. C'est vrai que la police n'atteindra pas les femmes, les enfants, enfin, ni ne les mettra en prison, ni, enfin, peut les accuser, les faire passer en justice, etc. Mais il n'y a pas de violence contre les femmes. Donc elles ont un rôle très grand, elles sont devant avec les enfants et elles appellent en fait à la révolte. Et bon, leurs cris sont alors... Elle, vraiment, puisque c'est aussi une époque, ça a trait aussi au discours médical de l'époque. C'est quand même une époque où on est en train de travailler beaucoup sur les maladies des nerfs et sur l'hystérisation des femmes et l'hystérie. Donc ces cris sont considérés, dits d'ailleurs, comme étant des borborismes. On décrit leur laideur à ce moment-là, leur bouche déformée, leurs cris gutturaux qui ressemblent, qu'on ne peut pas comprendre, alors qu'elles formulent des paroles comme tout le monde. Mais c'est contre nature, et de toute façon, je crois que ça vient de très loin. L'orifice, la bouche, c'est un orifice, et la bouche ouverte, c'est d'une femme, c'est vraiment un appel au vice, enfin, c'est quelque chose d'obscène. Et donc, les femmes qui crient et qui ouvrent la bouche, c'est presque comme si certains décrivent ça comme si elles avaient un cancer de la bouche et qu'il fallait que ce cancer s'exprime. Enfin, c'est même étonnant de lire. Bon, alors, il faut se remettre dans le contexte, quand on dit tout ça, c'est toujours en rapport avec des choses très très importantes qui sont de l'univers culturel et scientifique de l'époque. Moi, je ne veux pas dire, jamais je me permettrais comme historienne de dire ils sont tous fous ou tous méchants parce qu'ils ont dit ça. Ils sont dans un univers culturel très très particulier. Il n'empêche que voilà, c'est des choses qu'on a en héritage et je veux dire, tout le monde ressent, tout le monde maintenant encore a été marqué par tout ça, même sans le savoir. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est parce que je pense que aujourd'hui encore, si on regarde les journaux, quand il y a des manifs, c'est toujours les femmes qui sont photographiées. Enfin, les très belles unes de Libé, quand il y a des manifs, c'est toujours une femme sur les dos d'un mec, qui a la bouche grande ouverte. Bah, personne ne sait que... Bon, là, c'est l'envers, c'est pour la symboliser, mais cette symbolique-là, elle vient d'une autre symbolique. Et je pense que c'est ça qui est très, très intéressant, de voir de quoi nous sommes finalement héritiers. Et la Marianne, quand même, qui à la poitrine découverte, etc., qui entraîne vers la liberté, c'est extrêmement ambivalent, ambigu. Et moi, je suis toujours très, très preneuse des photos d'émeutes ou de manifs et tout, parce que, ouais, c'est les femmes qui sont... Donc, il y a vraiment un rapport femme-émeute, corps de la femme, qui est extrêmement puissant, qui reste présent. Oui, mais à ce moment-là, dans le couple, dans le quotidien, dans la famille, est-ce qu'il y a un rapport quand même différent entre les femmes et les hommes ? Est-ce qu'il y a une légitimité dans le couple ou dans la rue même à discuter en tant que femme et à être reconnue, avoir une autorité ? Oui. Parce qu'on parle beaucoup dans les salons, des conversations, des lettrés, les femmes qui arrivent à s'imposer, à donner leur avis. Oui. Mais est-ce que justement dans les milieux populaires aussi, il y a une forme un peu différente par rapport à justement ce qui va se passer après avec le 19e, où il va y avoir un retour sur le privé et tout ça ? Elles ont une vie publique très, très importante. Comme elles sont toujours dans l'espace public, soit elles sont marchandes, font les marchés, soit elles sont dans les foires, soit elles sont tout le temps présentes. Et donc, elles ont un avis très fort. Alors, dans le couple, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je me suis toujours demandé, effectivement, et ça, je ne pourrais jamais le savoir, comment ça se fait qu'après, puisqu'elles n'ont aucun pouvoir juridique, par exemple, elles ne peuvent pas ester en justice. Enfin, elles sont incapables juridiquement. Mais en même temps, bon, c'est vrai qu'elles ont un rôle public très très important. Je dirais pas qu'il est supérieur aux hommes, mais elles ont un véritable pouvoir qu'elles montreront d'ailleurs à la Révolution et dans les assemblées révolutionnaires. Et après, à l'intérieur du couple, en tout cas dans les couples populaires, je pense que c'est assez compliqué quand même, parce qu'il y a une violence vraiment, une violence domestique très très forte. Mais d'un autre côté, moi, j'ai un regard biaisé puisque je travaille sur les archives qui effectivement montrent plutôt mais en même temps il y a effectivement dans l'espace, alors je sais même pas si on peut dire espace domestique au 18e puisque ils vivent vraiment dehors constamment, mais il y a vraiment un vrai pouvoir. Moi, je pense que la femme au XVIIIe siècle a plus de pouvoir qu'au XIXe, qu'on a oublié d'ailleurs, parce qu'on croit que plus on va dans le passé, moins elles ont eu de pouvoir. Au XVIIIe siècle, elles sont vraiment... Elles se mêlent de tout, j'allais dire. Enfin, je ne devrais même pas employer ce mot. Elles sont présentes partout, elles participent à tout, constamment. Guillaume évoquait les conversations, les salons. Et vous parlez beaucoup de l'émergence au 18e d'une police des voix, d'une police de la langue qui va s'exprimer à la fois à travers la répression des patois qui s'affirme à l'époque et donc la mise en place d'une seule langue centralisée qui est le bon français. Mais également une police de la prononciation. Avec une attention extrêmement forte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des policiers ou des greffiers de tribunaux, à la manière dont les gens du peuple vont prononcer les mots. Oui, d'ailleurs, les institutions qu'on dit charitables, enfin ce qu'on appelle les petites écoles, qui sont en général des petites écoles chrétiennes, dans les traités d'éducation pour les pauvres vont énormément insister sur la prononciation, la voix, le ton, l'égalité des sons, le rapport voyelle-consonne, puisqu'à l'époque, on mangeait les voyelles. Alors, c'est aussi un problème compliqué, parce que cette espèce de montée à la fin du 18e d'une envie d'arraser tous les patois, c'est aussi l'envie de constituer une nation. Effectivement, et d'ailleurs la Révolution, elle reprendra ce thème, parce que pour elle, le peuple est souverain, et donc sa souveraineté s'exprime aussi par sa langue. Mais en même temps, à la fin du 18e, avant la Révolution, quand on va envoyer des émissaires dans tout, parce que le roi va demander ça, va envoyer des émissaires dans toutes les provinces, et ça c'est des enquêtes qui sont conservées, qui sont absolument passionnantes, qui seront chargées de recueillir tous les sons des parents, qui sont dites dans toutes les provinces de France, et eux-mêmes qui sont chargés donc par le pouvoir d'essayer de contrôler ça et de l'améliorer, sont eux-mêmes par moments attendris par ces sons de voix, parce qu'il y a cette idée que moi je trouve assez belle, je crois qu'elle n'est pas scientifique, mais bon, que que dans le Jura par exemple, les sons des voix s'apparentent au vent dans les sapins, que en Bretagne ça c'est sec et tout, ça s'apparente à quelque chose comme la mer qui frappe et qui cogne les rochers, les récifs. Bon, il y a évidemment, et donc eux, ils sont très rousseauistes, et donc il y a cette espèce de rapport de la voix qui serait envahi par les bruits de la nature, et donc ils ont mauvaise conscience après d'aller rapporter tout ça au roi en disant que quelque chose est beau là et qu'ils regrettent ça. Donc il y a des ambivalences qui sont vraiment très très intéressantes à travailler, parce qu'on voit qu'on n'y a pas été quand même à coup de serpe. Il y avait ce débat constant entre il faut les instruire la nation, il faut que les petits des gens pauvres, il n'y a que l'éducation qui pourra les sortir de là. Et puis, il y avait en même temps l'espèce de nostalgie de tous ces chuintements, de tous ces sons particuliers qui n'existeront plus. C'est une allergie. Quand on dort, on peut l'être. Eh bien, disons, ça me concale, il me cache. C'est la Sibérie qui se remet. Allez voir, bien venu travailler. À quelle heure finissez? 5 heures. Travailler, 5 heures. On ne bosse pas là en vacances. Ah oui? Et car, quel âge vous avez? 34. Et au chômage. Tout va bien. Moi, la retraite. RMI, chômage, je sais pas quoi. J'ai la retraite. Je passe à l'âge. Par moi, picot, moi, cœur, pas quel cœur. Ouh, quel bien ça. Et Boléro de Ravel. Oh, la Toccata. À Notre-Dame de Paris. Non, j'ai les Beethoven sur date. Couchez les mots. Et à partir du moment où naît cette distinction entre une bonne et une mauvaise oralité, c'est aussi le point de basculement vers davantage une culture de l'écrit, dans laquelle on est probablement beaucoup aujourd'hui, et qui est même, pas forcément aussi consciente. Ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, par exemple, c'est que les adolescents ou les jeunes aujourd'hui utilisent beaucoup le SMS. Mmh. Et en fait, alors qu'on, a priori, on leur penserait une culture davantage orale que celle d'adultes, sont beaucoup plus dans la pratique de l'écrit aujourd'hui. Enfin, peut-être, est-ce que c'est l'écrit aujourd'hui qui est devenu une pratique populaire plus que l'oral? Parce que vous appelez le SMS un écrit. Enfin, vous mettez le SMS dans l'écrit. Non, mais c'est, effectivement, les gens qui ne mettent pas, donc c'est pour ça que je vous demande. Oui, non, mais moi, je suis d'accord. C'est-à-dire, moi, je pense que les adolescents, ils ont cette faculté de jongler entre l'écrit qu'ils apprennent à l'école et le SMS, qui est une autre forme. Bon, ils emploient d'ailleurs très peu le mail, et même s'ils ont accès, évidemment, à l'ordinateur, et que cette pratique de l'écrit, pour eux, c'est, je crois que c'est une présence corporelle. Enfin, je pense que... Enfin, je ne sais pas... Je pense que l'objet même du portable qui leur permet ça, c'est la présence de l'autre qui est, moi ça me frappe, je crois que c'est une présence de l'autre par des mots rapides qui me paraît un peu, il y a de l'ordre de la corporéité. Moi je pense qu'il y a beaucoup du corps là-dedans tout le temps, mais du coup il est divisé. Enfin, il a quelque chose d'assez divisé. Bon, alors, ils sont quand même effectivement beaucoup dans la parole aussi. Donc, je pense qu'ils utilisent beaucoup plus que nous, les adultes, de possibilités de communication, en tout cas. Enfin, nous, les adultes de ma génération, en tout cas. Oui, et enfin, c'est Juliette, parce que je n'ai pas lu l'article, mais qui me disait que qu'il y aurait un parallèle, ou que vous faisiez un parallèle entre l'argot de banlieue, tel qu'il est un peu stigmatisé aujourd'hui, oui. Et les voix populaires, telles qu'elles étaient justement perçues comme dénuées de sens au XVIIIe siècle. Oui. Est-ce que vous pourriez développer cette... C'est-à-dire... oui... Comment dire ? Je trouve que c'est toujours très très difficile de faire des comparaisons comme ça parce que c'est vraiment des sociétés très très différentes. Mais je veux dire, le fait de toujours stigmatiser en tout cas la banlieue pour s'en parler, c'est quand même une idée vraiment, je crois, très très forte de dire de toute façon... on comprend pas. D'ailleurs, c'est la même chose. Ils avalent les voyelles, ils font se cogner les consonnes, plus ces voix qui sont en fait près du nez, enfin entre qui utilisent assez peu d'aigu et puis qui martèlent certains sons assez régulièrement. Bon, je pense que l'idée qu'on en a, c'est vraiment que c'est intraduisible, que ce qu'on peut pas la comprendre, et que c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire de l'éloigner de nous, de dire on la comprend pas et de stigmatiser une population parce que elle parle comme ça, pendant qu'elle prend soin de se parler là. Je pense qu'ils ont vraiment très non seulement besoin, mais envie, et qui sont fiers de la posséder. Je pense que c'est une utilisation, enfin, elle n'est peut-être pas toujours consciente, parce que c'est très contagieux, la voix. On attrape vite, enfin, c'est très contagieux, quand on est dans un groupe et que tout le monde a le même accent. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de rester longtemps dans le midi, on finit par avoir un peu bon. Mais je pense... pour en revenir au parler de banlieue, que ce peut être une forme de résistance. Enfin, en tout cas, maintenant qu'il a été stigmatisé, autant le garder, puisque ça a l'air de déplaire vraiment. Donc ça, je pense vraiment... Une distinction. Oui, c'est ça, si on veut, si on veut. Alors peut-être qu'au XVIIIe siècle, c'était pas seulement ça aussi. C'est pour ça qu'on peut pas comparer terme à terme. C'est toujours très, très, très, très dangereux, parce qu'au XVIIIe siècle, c'est leur manière de parler. C'est lié à un terroir, une culture. Pour eux, c'est aussi parce qu'ils sont... Pour le parler de banlieue d'aujourd'hui, c'est aussi parce que ce sont des migrants, pour la plupart. Donc ils ont... un mélange forcément de langue maternelle et de... Enfin, peut-être pas pour la troisième génération, mais de langue quand même, qui a des assonances différentes. Mais le fait qu'on reconnaisse pas, qu'on veuille pas reconnaître le populaire, ça c'est... On le disait même dans les années 50-60, c'était l'idée que, par exemple, à Belleville, on comprenait pas ce qu'ils disaient, alors que c'était quand même pas trop difficile de comprendre ce qu'on disait à Belleville, quoi. Et pour finir, puisqu'on est en train de finir cette émission, c'est très frappant la présence de la rue, et donc la rue comme espace d'expression politique, tel que vous la décrivez au XVIIIe, et d'expression politique, comme vous dites, sans médiation, quoi, sans l'intervention d'une superstructure, d'une organisation, qu'elle soit syndicale ou autre, pour organiser justement la prise de la rue et la prise de voix dans la rue, c'est immédiat. Et aujourd'hui, en fait, peut-être pour pas terminer sur une note complètement désespérée sur le vide intégral de l'espace public aujourd'hui, il y a eu, pendant le mouvement Occupy aux États-Unis, des prises de parole intéressantes parce qu'elles instaurent, je pense, peut-être un nouveau rapport justement à l'espace public de manière collective, comme une sorte de corps collectif, à travers la pratique du micro-humain dont vous avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire, ça se pratiquait de deux manières, soit... puisque lors du mouvement Occupy, en fait, les gens qui étaient dans les tentes et qui faisaient des campements avaient l'interdiction d'utiliser des appareils d'amplification, que ce soit du micro, pour porter la voix ou bien pour diffuser de la musique. C'était, qui était une manière aussi de les faire taire, afin de garder le mouvement en sourdine. Et donc, ils ont mis au point ce qu'ils ont appelé le micro humain, c'est-à-dire pour parler dans des très grandes assemblées de plusieurs milliers de personnes. La voix de l'orateur, ou de la personne qui parlait à ce moment-là, puisque la parole se déplaçait, était relayée par un premier cercle de personnes autour de lui qui répétaient ses phrases, et puis le cercle un peu plus large les répétait pour plus loin, et ainsi de suite. Et la parole se répandait comme ça par vagues un petit peu lentes. Et un autre usage de ce micro-humain que je trouvais là plus intéressant, même plus riche et... plus insolent, plus stimulant, c'est dans des débats publics très officiels, notamment une prise de parole, un discours de Barack Obama, où il était sur estrade, donc avec un pied de micro et une sono de la meilleure qualité qui soit. Quelqu'un crie dans la salle « test de micro ». Et les personnes qui répondent autour « test de micro » signifient par là qu'elles sont prêtes à relayer son message. Et à ce moment-là, ils commencent à parler à Obama, enfin à s'adresser à lui, à lui couper la parole du coup, et à tenir un discours, et qui est de la même manière relayé par les personnes autour de lui, comme ça, par cercle un peu concentrique. Et les vidéos sont vraiment très drôles et puis très enthousiasmantes, puisque en fait, l'orateur officiel, il a beau avoir un micro, des gardes du corps et une estrade, il ne peut pas reprendre la parole tant que les gens qui parlent avec leur seule voix dans le public ne s'arrêtent pas. Il y a peut-être là une forme de retour, de réinvention d'une forme d'oralité en fait, dans l'action politique, dans l'action dans la rue. Oui, ce que vous dites, oui, je trouve que c'est tout à fait impressionnant et intéressant. Je crois qu'au XVIIIe siècle, si vous voulez, ce qui apparaît d'intéressant, c'est que justement, ils ne vont pas répéter la même chose. C'est-à-dire qu'en un sens, les mouvements qui vont se faire, en tout cas les mouvements d'émeute ou de contradiction, ils vont se propager avec à chaque fois une forme, pas une forme orale différente, mais un contenu qui peut être différent, dit différemment, et que cette prise de parole dans l'espace public, elle est si naturelle. Ça veut dire comme elle est là tous les jours. Ça veut dire qu'il y a à la fois les bonimenteurs, les montreurs d'ours, des choses qu'on n'imagine même plus aujourd'hui, même si on voit du théâtre de rue, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire là, je veux dire, l'espace public du XVIIIe siècle serait pour nous un théâtre. Or, c'est pas un théâtre, c'est leur vie. Et du coup, comme c'est absolument naturel. C'est ce que vous dites du relais, c'est bien parce qu'il y a un vide. C'est bien parce qu'il y a un vide actuel dans l'espace public. Parce que si on voyait aujourd'hui dans la rue, en descendant, et ça se voit quelquefois quand on voit quelqu'un qui crie tout seul dans la rue, on est presque... je ne sais pas, blessé ou gêné pour lui, ou alors que voilà, c'était la parole dite naturellement à l'autre, elle est l'interjection, ou bien la solidarité, ou bien même je parlais des contacts ou des badinages amoureux, le rapport homme-femme dans ce qu'il a de plus, ce qu'il peut avoir de plus plaisant, il est là, il est présent, il est constant, et ça c'est quelque chose qui a profondément disparu, je crois. Et du coup, ce que vous expliquez des États-Unis, c'est à la fois super bien, je trouve, mais c'est à la fois c'est super bien, mais c'est alors c'est pas désespéré, parce que vous voulez pas qu'on reste sur du désespoir, mais c'est un petit peu triste, quoi. Ça veut dire que oui, on peut pas interrompre Obama. Et c'est ainsi que se termine cette intempestive réalisée avec Guillaume Hume. Un entretien avec Arlette Farge, historienne, autour de son essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, paru chez Bayard. Un entretien parsemé d'extraits de deux projets de Radio Aporé, Coucou les naufragés par Archibuse, enregistrement de marginaux et soi-disant fous, et À la boule kir par John Wren, prise de son de vendeurs ambulants et de réfugiés à Damas. Cette émission sera rediffusée samedi à 1h sur le 88.4 de Radio Galère, et elle sera ensuite mise en ligne avec toutes les références que je viens de citer sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer